Ainsi se termine votre nuit rêvée, Bernard Chambaz. Qui d'autre, quelles autres histoires auraient pu figurer dans votre nuit rêvée? On aurait pu avoir l'histoire du film La nuit de Varennes, d'Ettore Scola, et notamment, qui est le moment de cinéma que je préfère, où les personnages sont dans la diligence, et on a, excusez du peu, Marcello Mastroianni en Casanova, Jean-Louis Barrault en Restif, Daniel Gélin en Baron de Vindel. De Vindel, et puis on a donc surtout Anna Chigoula en Madame de Laborde, la femme de compagnie de Marie-Antoinette. On a Laura Betti en comédienne italienne, et on a Andrea Ferreol en veuve de marchand de champagne. Et ces six personnages, donc dans la diligence et tournés dans la diligence, parlent de l'amour. Et c'est du mystère de l'amour, et ils sont tous les six, et donc on peut y associer au moins Scola, le réalisateur. C'est absolument exceptionnel, donc j'engage tous les auditeurs à aller de ce pas voir ce film. Bernard Chambaz, nous aurions pu nous quitter avec Les yeux mentalos d'Eddie Mitchell, mais vous avez choisi que cette nuit se termine avec Nick Cave, avec un des titres de son dernier album, Ghostin. Pourquoi Nick Cave et cet album précisément? Alors, à la question pourquoi, ça aurait été plus facile de répondre pourquoi Eddie Mitchell. À la réponse pourquoi cet album, parce qu'il est sorti très récemment. Et on comprend, en fait, c'est le disque, la musique est très très belle, comme on l'entendra. Et le titre est très très clair aussi, enfin presque très clair, c'est-à-dire que vous avez Ghost, le fantôme, et Teen, l'adolescente, donc c'est en quelque sorte l'adolescent fantôme, et c'est le dernier disque, le deuxième qu'il a composé et donc chanté après la mort de son fils. Son fils est tombé en juillet 2015 d'une falaise. Il s'est tué, un garçon de 15 ans, et il avait fait un premier album qui était très rude, très âpre, et celui-là est extraordinairement, je dirais, apaisé. La pochette du disque représente le paradis, un paradis très très kitsch avec des colibris, des flamants roses, un agneau, donc enfin tout ce qu'il faut pour aller au paradis. Et je trouve qu'il a atteint une espèce je peux pas dire pas de sérénité, mais si presque de sérénité, justement, parce que il y a Bouddha qui pointe son nez à la fin de l'album, et il y a une forme de sérénité dans ce disque qui est très très belle. Merci Bernard Chambaz de nous avoir fait partager votre nuit rêvée. C'est moi qui vous remercie, Alban Penaranda. J'invite les auditeurs à se plonger dans la lecture de vos ouvrages. Le dernier en date, je le rappelle, étant à ce jour Un autre Éden aux éditions du Seuil. Et la nuit prochaine, ne manquez pas Bartali Coppi, une rivalité italienne, la suite des deux échappées de la petite reine proposée par Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez Franchini dans une histoire particulière. Chargé de cette émission, Hassan Mbechour, à la technique, Olivier Arnay, réalisation, Virginie Mourté. Alban Penaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une très bonne journée sur notre chaîne. Vous pouvez télécharger pendant un an et réécouter quand vous voulez La Nuit Rêvée de Bernard Chambaz sur le site franceculture.fr à la page des nuits, où vous trouverez également des références bibliographiques. Très bonne journée à vous, Bernard Chambaz. Merci à vous aussi. Très bonne journée à toutes et à tous. If I could sail a galleon ship long, lonely ride across the sky, out mysteries while you sleep. And treasures money cannot buy. For you know I see you everywhere. A servant girl, an empress, my galleon ship will fly and fall, fall and fly and fly and fall deep into your loveliness. And if we rise, my before the daylight comes, a thousand galleon ships will sail ghostly round the morning sun.